Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla Magazine. Aujourd'hui, je suis ravi de vous donner un petit peu de nouvelles sur Tesla Mag, où on en est et où on va, puisque c'est très important pour vous qui suivez ce projet depuis des années, autant que moi, et aussi pour vous informer que aujourd'hui la vitesse est quasiment lumière parce que nous avons un champ de possibilités qui est beaucoup plus important grâce à l'anglais, vu que maintenant nous publions en anglais. Nous pouvons échanger avec d'autres pays, ce qui n'est pas négligeable dans le sens où aujourd'hui la transition énergétique est un enjeu mondial. Et à ce titre, nous sommes moteurs, pour pas dire instigateurs, d'une notion d'ambassade pour la transition énergétique que nous souhaitons en France, au plus vite, dans les meilleures conditions possibles, et avec la reconnaissance du maximum d'acteurs. Pourquoi ? Parce que Tesla Magazine est suffisamment bien organisé pour faire un rôle de catalyseur important sur un marché qui doute. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir confiance dans l'électrique, c'est d'avoir confiance dans la transition, c'est d'avoir confiance dans le futur et prendre conscience que derrière la transition, il y a une notion de prospérité. Cette notion de prospérité est économique naturellement et qu'elle profitera à tous ceux qui s'impliquent dans cette révolution électrique. Et il ne faut pas oublier que toutes les révolutions au cours des siècles se sont déroulées avec les hommes. Il n'y a eu aucun mouvement spontané et il n'y a eu aucun mouvement qui était, on va dire, dans un intérêt autre que celui des hommes. Donc, la prospérité économique, je pense que ça aligne tout le monde, à juste titre, puisque nous en dépendons. Et au-delà de ça, la France, aujourd'hui, est en situation difficile. Donc, je ne pense pas qu'une démarche de progrès et qu'une démarche ambitieuse fasse mal à la France. Maintenant, pourquoi la France? Eh bien, parce que Tesla Magazine est né en France, naturellement, et aussi parce que la France a un historique de diplomatie qui est très important. Et aujourd'hui, c'est bien de diplomatie dont il est question. Pour faire voter les lois au Parlement, les lois que des industriels citent comme ubuesques, dangereuses, la norme café récemment citée par Luca De Meo, sont connus depuis très longtemps et ont été décidés et votés. Ces règles sont souveraines, mais elles doivent le rester pour ne pas ralentir le progrès, puisqu'encore une fois, derrière la transition, il y a du mieux pour la planète, mais il y a aussi de la prospérité. Pourquoi ? Parce que vous le voyez bien aujourd'hui, tout est en train de changer, que ce soit sur de l'intelligence artificielle, que ce soit sur la façon de collaborer, la façon de travailler, tout est en train de changer. Et derrière une optimisation énergétique, il y a naturellement de nouvelles industries qui vont se créer et un monde neuf, celui qu'on voudra. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de magie, il reste celui qu'on voudra ou qu'une poignée de personnes voudront. Donc, je vous propose depuis le début de Tesla Magazine d'être parmi ceux qui font, parmi les acteurs. Et petit à petit, nous nous sommes dotés de moyens de plus en plus grands. Et le pouvoir le plus important de Tesla Magazine est celui de vouloir et de pouvoir. Maintenant, pourquoi on a cité une notion d'ambassade et de diplomatie ? Parce que la révolution est tellement importante qu'elle ne peut pas être faite seule. Même un acteur comme Tesla ne peut pas dire demain tous les véhicules seront électriques. Elon Musk le dit. Mais parce qu'il a bien conscience que tous les constructeurs vont se mettre à l'électrique. Il l'a toujours dit. Et il a toujours dit aussi que seul, effectivement, la transition serait beaucoup plus lente. Donc, il y a quand même un horizon de temps. Et je pense que pour tous ceux qui ont acheté une Model S dans les années 2013, il est plus qu'urgent d'honorer une dynamique qui aille plus vite et dans le sens de ce à quoi ils ont cru. Parce que tous les acheteurs aujourd'hui de véhicules électriques ont cru en quelque chose lorsqu'ils ont acheté leur véhicule électrique, ont cru à une massification rapide, et depuis 2 ans maintenant, il y a sûrement un ralentissement dans les ventes, comme récemment cité, mais il y a surtout des doutes et une perte de confiance chez certains acteurs du progrès et qui peuvent changer la donne. Donc c'est pour tout ça qu'il faut avoir un symbole de transition et également des ressources exécutives pour aller plus vite et savoir comment le faire. Et aujourd'hui, dans toute notre communauté, nous avons les ingénieurs, nous avons les diplomates, nous avons toutes les personnes qui savent travailler correctement sur ce sujet. Donc voilà pourquoi je pense que c'est très important de matérialiser cette ambassade extrêmement vite. Et pourquoi il s'agit de la matérialiser? Parce qu'en fait, en réalité, elle existe déjà. Mais elle n'a pas aujourd'hui tout le fonctionnement qu'elle devrait avoir et elle n'est pas en mesure de porter des recommandations qui vont jusqu'à une vision qui puisse être partagée par certains acteurs. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Ça veut dire que chacun travaille en silo et même s'il y a des commissions, des discussions, des institutions qui sont créées pour que ça avance, elles n'ont pas été créées dans le sens de la révolution électrique. Elles ont été créées dans le sens de maintenir des data qui sont extrêmement importantes pour la transition et pour la gestion de l'énergie au global. Et elles ont été également créées pour réunir des experts. Mais toutes ces institutions qui existent déjà sont extrêmement utiles. Et doivent collaborer avec cette ambassade et devront suivre les recommandations qui seront formulées. Il n'y a que comme ça que la confiance viendra. Il n'y a que comme ça que nous pourrons concevoir plus facilement une notion de transition et il n'y a que comme ça que les gens se mettront d'accord. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'opposer les anti-électriques, les pour-électriques. Il s'agit de faire que ça se fasse parce que il a été décidé que ça se fasse et pour le bien de la planète. Donc, à ce titre, c'est un enjeu de santé publique. Nous pouvons débattre sur la technologie, mais on le fait depuis 4 ans, voire plus, et il n'y a pas eu de nouvelle technologie émergente qui soit plus performante. Donc, l'histoire est finie. Il faut désormais avancer dans une cohésion la plus totale qui permette de voir émerger des choses et qui permette surtout de mettre l'intelligence de chacun au service du bien commun. Parce que parmi les anti et les pour, tout le monde est extrêmement intelligent. Tout le monde sait au fond que ce qui doit se passer se passe, quoi qu'il arrive. Donc autant faciliter le processus plutôt que de le remettre en cause une fois, encore une fois, que tout a été décidé. Voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je suis sûr que vous le partagez. C'est même pas j'espère, je suis sûr, puisque Tesla Magazine a depuis toujours été formé de personnes qui croient et qui vont dans le sens de l'évolution. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense la même chose, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de point de vue divergent et sur plein de sujets. Ça veut juste dire que quand on travaille, eh ben on se met au travail, voilà, et on avance. On avance dans des postures qui permettent le changement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.